être quoi? Selon Mike, laisse-moi prendre la vie pour que j'arrive à mourir. J'suis en pis de compétence quand je sais que je n'ai plus le sourire. Mes plans sont des soucis, je deviens même parano. Regarde, je pense en durable, mais pas de la vie. Même solo Mike, je préfère me mettre bien sur un son que tuivre tout le monde comme un mouton. Vas-y, abaisse-moi, ça m'encourage dans toute ma rage. Mais je veux pas me prendre la tête, j'suis pas ton chien, je donne pas la papate, encore moins de faire la fête. Je marche sans savoir où je vais et je me dis comme tout le monde, putain, me voilà arrivé. Et c'est pas de ma faute, si ça va pas et que je me sens mal. Je cours pas quand je boite et je m'en sors pas quand la chaise est trop bancale. Je sais que je suis pas le seul à me cacher pour pleurer. Les années passées, je suis incapable de réussir pour m'envoler. Va plus compter la misère, y'en a bien plus que la moyenne. Aucun bourge vous nous en sortir, mais vont finir par nous payer le cimetière. C'est triste, mais je lâche plus de larmes, plus c'est pourri. La haine prend le dessus, elle me règle plus d'un souci. It's a real motherfuckers gon' rock tonight. All your jewels and your cash, you ain't got tonight. Or somebody in the club getting shot tonight. Sean Price.